بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 121 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. On commence aujourd'hui le cours 121, comme on a dit, et c'est la page 874. Dans le livre, on approche de la fin du volume 2. Alhamdulillah. Donc, on va commencer tout de suite. Le Cheikh dit: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ وَأَمَرَهُمْ بِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Le Cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants de rester cramponnés au câble d'Allah tous ensemble. Il leur a interdit la division et la divergence. Il leur a ordonné de réformer et de réconcilier les problèmes qu'ils ont entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Abu Moussa, l'exemple des croyants dans leur amour, la miséricorde qu'ils ont les uns envers les autres, l'amour qu'ils ont envers les autres, la miséricorde qu'ils ont envers les autres, et l'affection qu'ils ont les uns envers les autres, c'est comparable à un seul corps. Lorsque un des membres du corps souffre ou ressent une douleur, est affecté, eh bien le reste du corps, eh bien il est affecté par la fièvre et par l'absence de sommeil. Donc ça, c'est l'exemple de du corps des croyants, l'ensemble des croyants, comment ils s'aiment et comment ils sont les uns avec les autres comme un seul corps. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit: فيما يتعلق بالمؤمنين من العرب أو العجم فإنه لا فرق بينهم, لأن الله جمع بينهم بالإسلام, فهم سواء, وأكرمهم عند الله أتقاهم, سواء كان من العرب أو العجم. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من العرب والعجم بأنهم كالجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى, وهذا شيء لا إشكال فيه بعد الإسلام وبعد الإيمان, لأنه فرق لا ميزة لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit donc que ce que le Cheikh explique ici, c'est par rapport aux croyants, qu'ils soient arabes ou non arabes, il n'y a pas de différence entre eux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre eux par l'islam. Donc ils sont égaux, et le plus noble d'entre eux, c'est le plus pieux, peu importe qu'il soit parmi les arabes ou les non-arabes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, les croyants, yani qu'ils soient arabes ou non-arabes, il les a décrits comme étant un seul corps. Si une partie ou un membre se plaint ou souffre, eh bien le reste du corps ressent la fièvre et l'absence de sommeil. Et donc, il n'y a pas de problème, une fois qu'on est entré dans l'islam, une fois qu'on est entré dans la foi, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence entre un arabe ou un non-arabe, ou un blanc ou un noir, excepté par la piété. Donc ça, c'est un principe qui est clair dans l'islam. Et le Cheikh, il dit ensuite: وقد دعا صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور إلى تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض, وحثهم على التراحم والتعاضد, لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد أعضاءه, فالمراد بالتراحم هنا أن يرحم بعضهم بعضا لأجل الإيمان لا لشيء آخر, وهذا كله إنما يتأتى بالاعتصام بحبل الله جميعا وترك التفرق والاختلاف وترك التفاخر بالأحساب والأجناس لأن الإيمان يقتضي خلاف ذلك. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelle dans ce hadith à respecter les droits des musulmans et que les musulmans doivent comprendre la grande importance du respect des musulmans les uns envers les autres. Et il les encourage à avoir de la miséricorde les uns envers les autres et à rester ensemble et à rester unis entre eux et à collaborer et à s'entraider dans la vérité, dans le bien. Parce que c'est la foi qui les réunit et qui fait en sorte qu'ils sont devenus comme un seul corps. Et donc, chacun d'entre eux correspond à un membre différent. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire ici par la miséricorde qu'ils doivent avoir les uns envers les autres? C'est-à-dire que l'un doit faire miséricorde à l'autre à cause de sa foi et non pas à cause de d'autres choses. Hein? Pas à cause de l'origine, pas à cause de la couleur, pas à cause de la langue, pas à cause de l'ethnie, pas à cause de la région géographique, le lieu géographique d'où on vient. Non, ça c'est des choses secondaires, des choses futiles, des choses qui n'ont pas vraiment le plus d'importance. Le plus grand de tout, le plus grand de tous les points, et la chose la plus importante, c'est l'iman, c'est la foi. Et il faut que, une fois qu'on ait compris ça, eh bien, il faut que, on s'accroche et on se cramponne tous au câble d'Allah et qu'on délaisse la division et les divergences et qu'on délaisse également la fierté pour la fierté pour l'origine, la fierté pour l'ethnie de laquelle on vient, la fierté pour des choses futiles, des choses qu'on n'a même pas choisies en réalité, des choses qui ont été prédestinées par Allah. Parce que la foi, elle implique le contraire de ça. Ensuite, le cheikh, il mentionne des hadiths, un autre hadith. Ibn Taymiyyah il dit وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطع ولا تدابر ولا تباغض ولا تحاسد وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله وهذان حديثان صحيحان في الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ولا تقاطعوا, c'est-à-dire ne vous coupez pas les liens les uns des autres, hein. ولا تدابروا, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. ولا تباغضوا, ne vous détestez pas les uns les autres. ولا تحاسدوا, soyez pas jaloux les uns envers les autres et soyez comme des frères, hein, comme Allah vous a ordonné. Soyez des serviteurs d'Allah et soyez des frères comme Allah vous a ordonné de l'être. Et il dit ces deux hadiths-là sont des hadiths authentiques et dans ce domaine ou dans cette catégorie de sujet de la religion, il y a beaucoup d'autres textes dans le Coran et dans la Sunna et il dit on peut même pas les compter tellement il y en a beaucoup. Hein? Et il dit وهذا خطاب شيخ الفوزان il dit وهذا خطاب لجميع الأمة من العرب والعجم الذين آمنوا بهذا الدين واتبعوه سواء كانوا من العرب أو العجم فهم منهيون عن هذه الصفات من التقاطع والتدابر وعن الحسد فيما بينهم ومن استكبار بعضهم على بعض لأنهم إخوة في الدين من أي جنس ونوع أو لون كانوا. شيخ الفوزان il dit donc ce discours s'adresse à toute la umma qu'ils soient arabes ou non arabes, ceux qui ont cru en cette religion et qu'ils l'ont suivi, peu importe qu'ils soient arabes ou non arabes, ils ont été interdits d'avoir ces caractéristiques, de se couper ou de se boycotter les uns les autres, ou de se tourner le dos les uns aux autres, ou d'avoir de la jalousie les uns envers les autres, ou d'être arrogants et fiers les uns envers les autres, et de dénigrer les uns ou les autres. Parce qu'ils sont des frères en religion, peu importe de quelle ethnie ou de quelle origine ils sont, ou peu importe de la couleur ou de la sorte d'où ils viennent, tout ça c'est des choses qui sont interdites. Et le cheikh il dit walihada, il dit walidhalik, لو نظرت إلى اجتماع الحجاج في المشاعر ونظرت إلى اختلاف أجناسهم وإلى اختلاف لغاتهم أدركت عظمة هذا الدين وأنه دين شامل للبشرية لا يفرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى إلا وإلا بالإيمان فليست المسألة مسألة عصبية فلا نتمدح بالعربية لمجرد أنها عربية ونضم العجمية لمجرد أنها أعجمية ولا نضم الأعجمية لمجرد أنها أعجمية فإن هذا يعتبر من القومية الممقوتة التي أنكرها العلماء لما ظهرت قبل فترة قليلة وأنكرها العلماء وقالوا هذه قومية عربية وهي من جنس فعل الجاهلية لأنهم يفتخرون بأنسابهم وبشعوبهم وقبائلهم دون نظر إلى الدين والإيمان فلا فضل إلا بالإيمان والدين والتقوى. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que lorsque tu regardes au nombre de personnes qui sont tous réunies dans le Hajj, hein, et qui viennent dans les différents lieux saints pour pratiquer les rites du Hajj, et tu regardes les différentes origines et les différentes langues de ces gens, eh bien tu comprends par conséquent la grandeur de cette religion. Et comment cette religion, elle englobe toute l'humanité, toute entière, toutes les ethnies, toutes les couleurs, toutes les langues. Et il n'y a pas de différence entre les croyants par rapport à ce qu'ils soient arabes ou non arabes. Il n'y a pas de différence ou de préférence entre eux, excepté par la piété, excepté par la foi. Et donc la question n'est pas une question chauvin ou d'avoir du fanatisme pour notre origine, d'être fier pour notre origine et de se glorifier du fait que quelqu'un est arabe juste parce que c'est l'arabe, ou bien de blâmer une ethnie qui est non arabe uniquement parce qu'elle est non arabe. Il dit non, il dit parce que ça c'est considéré comme du nationalisme et c'est quelque chose de détestable. Et c'est quelque chose que les savants de l'islam ont condamné lorsque cette idéologie est apparue dans les derniers temps, l'idéologie du nationalisme et les différents mouvements et partis nationalistes. Lorsque ces groupes et ces partis sont apparus dans le monde musulman, eh bien c'est quelque chose que les savants de l'islam ont condamné. Parce que premièrement, c'est quelque chose qui détruit la fraternité entre les musulmans, qui détruit le sentiment de lien de fraternité entre les musulmans, et on n'a pas le droit donc de sentir que que des gens sont inférieurs à nous parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie ou de la même nationalité, et que d'autres sont supérieurs parce qu'ils sont de telle ou de telle nationalité ou de la même nationalité que nous. Ça c'est interdit et ça c'est de la jahiliya. Les ulama, quand ils ont entendu cette idéologie là dans les pays musulmans, ils ont dit ça fait partie, cette forme de nationalisme arabe, elle fait partie de la jahiliya. Et c'est la même chose pour les autres nationalismes, que ce soit les nationalismes africains ou comme ils appellent aussi l'afrocentrisme, ou bien les idées panafricaines ou panarabes, comme ils appellent le panarabisme, ou bien tous ces trucs-là, ou bien disons le fait de s'unir uniquement parce qu'on est arabe, ou de s'unir uniquement parce qu'on est africain, ou de s'unir uniquement parce qu'on est de tel pays ou de telle origine. Ça, c'est interdit dans l'islam. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est pas parce qu'on est africain que, on doit être unis ensemble, peu importe notre religion. Tu vas t'unir avec le mushrik, avec le kafir, avec, les gens qui croient en toutes sortes de mensonges et de superstitions et de fausses divinités et qui se prosternent devant autre que Allah et qui adorent autre que Allah parmi les fausses divinités et toi tu t'allies avec eux et tu dis ces gens-là c'est mes frères, peu importe leur croyance, peu importe leur religion. Non, ça c'est pas permis, parce que le croyant, hein, il ne peut pas s'allier avec les mouchriquins et les kuffars, hein, et les prendre pour frères. Et en même temps, il dit non, les autres musulmans qui ne sont pas de la même origine que moi sont pas mes frères, parce que eux ils sont de d'autres ethnies ou de d'autres continents ou de d'autres pays ou de d'autres langues. Ils ne sont pas de telle couleur, ils ne sont pas de telle région dans le monde, donc ce ne sont pas mes frères. Mes frères, ce sont ceux qui sont de la même couleur que moi, du même continent que moi, de la même contrée ou la même région que moi. Ça, c'est quelque chose qui vient de la djahiliya, ça n'a rien à voir avec l'islam, et c'est quelque chose que les ulamas de l'islam ont condamné. Hein? Peu importe l'origine, que ce soit... Il y a des gens comme ça qui avaient cette idée-là, comme les Jamal Abdel Nasser en Égypte, il appelait à cette idée-là. Il disait tous les Arabes, on est tous ensemble. Il faut qu'on s'unisse parce qu'on est Arabes. Peu importe notre religion, c'est pas grave. Et en Inde, il y a des gens comme ça. Ils disent on est tous des Indiens, peu importe notre religion, qu'on soit hindou, qu'on adore des vaches ou des singes ou qu'on adore autre chose, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on est hindou. Et en Afrique, la même chose. Ils disent, on est tous africains, c'est ça l'importance. Peu importe notre religion, on est des frères, il faut s'entraider. Et la même chose, tu vas trouver chez les Européens. Ils disent ça maintenant. Hein, il faut s'unir parce qu'on est Européens. Peu importe notre religion, peu importe nos croyances, hein, il faut s'unir contre les autres. Et tout ça, comme on a dit, c'est de la djahiliya. Ceux qui disent, on est kabyle, on est berbère, on est si, hein, on n'est pas des arabes, il faut s'unir entre nous. Alors qu'on est tous musulmans. Hein? Donc ça, c'est de la djahiliya. Et le cheikh, il dit, il faut donc rejeter toutes ces idées de djahiliya et ces idées de nationalistes. Et ces idées de nationalistes, là, elles viennent de l'Europe. Elles viennent pas des musulmans. Hein? Elles viennent pas de l'islam, elles viennent des mentalités des Européens, et c'est eux avec leur nationalisme qui ont détruit une partie du monde à cause de la Deuxième Guerre mondiale, et avec les idées nationalistes du parti nazi, puis les fascistes en Italie. Là. Et toutes ces idéologies-là ont causé beaucoup de désordre dans le monde. Hein? Ils ont essayé d'importer ça chez les musulmans, entre les Turcs et les Arabes. Ils ont dit... Ça, les Ottomans, c'est des Turcs. Nous, on est des Arabes. Hein, il faut pas être ensemble. Il faut prendre le pouvoir. Il faut faire ci, il faut faire ça. Alors qu'on est des croyants, on est des musulmans. Oui, ils divisent pour régner. Comme ils disent, leur slogan, c'est ça. Diviser pour régner. Farriq tasoud. Divide and conquer. Peu importe la langue, c'est la même règle pour eux. Donc ils divisent les croyants pour mieux les affaiblir et pour mieux les conquérir par la suite. Donc le cheikh il dit, donc cette forme de nationalisme arabe ou peu importe de quelle autre origine, ça vient des actions de la djahiliya, parce qu'ils se vantent et ils sont fiers pour leur origine, pour leur peuple, pour leur tribu, sans regarder la question de la religion, sans regarder la foi. Donc, le cheikh, il dit, il n'y a pas de mérite excepté par la foi et par la religion et par la piété. Et il dit ensuite, وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِرْشَادٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّبَارُضُ وهو التقاطع والإعراض بين المسلمين عموما لما فيه من المفسدة وافتراق كلمتهم وفيه الدعوة إلى المعاشرة فيما بينهم بالمودة والرفق والتعاون في الخير وفيه النهي عن التباغض وإشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة كالحسد والتفاخر والتقاطع الموجب للتباغض. Donc le cheikh dit dans ce hadith, il y a une orientation au fait qu'il est interdit de se détester entre les croyants et de se couper et de se tourner le dos les uns aux autres. de façon générale entre les musulmans à cause du méfait qu'il y a dans ça et de la corruption qu'il y a dans ça et à cause de la division de leurs paroles qui en découle. Et il y a dans ce hadith également une invitation à ce que les musulmans apprennent à vivre entre eux avec amour, avec douceur et avec collaboration et coopération dans le bien et dans la vérité. Et il y a dans ce hadith l'interdiction de qu'il y ait de la haine, hein, de se détester les uns les autres et indirectement aussi une indication du fait qu'il est interdit de suivre les passions qui égarent, parce que les passions, les innovations, hein, dans la religion, c'est ce qui amène les musulmans à se détester et à se diviser. Et donc ça, c'est des choses qui sont interdites. Hein. Donc l'interdiction de se détester, c'est une interdiction également de se diviser à cause des passions et des innovations. Hein. Et que les croyants doivent délaisser également toutes les caractéristiques qui amènent à cette division et à cette haine entre eux, hein, comme par exemple la jalousie, la vantardise, la fierté pour l'origine, toutes ces choses qui amènent de la haine entre les gens. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah il va mentionner un nombre de hadiths. Et dans ces hadiths-là, il mentionne des qualités et des caractéristiques qui montrent l'excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire ensemble, inshallah, ces choses-là. Cheikh dit: والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أنسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني خير فرقهم ثم خير القبائل فجعلني خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل والكباء بالكسر والقصر والكبة الكناسة وفي الحديث الكبوة وهو مثل الكبة أو الكبة والمعنى أن هذه النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذلك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا. Donc il mentionne, il dit ensuite, et la preuve de l'excellence des Arabes et du mérite des Arabes et de Quraysh et de la famille de Hashim, la tribu de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté par At-Tirmidhi, hein, dans son Jami', selon, et il mentionne la chaîne, selon Ismail ibn Abi Khalid, selon Yazid ibn Abi Ziyad, selon Abdullah ibn al-Harith, selon Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Il dit donc Al-Abbas, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ô messager d'Allah, Quraysh se sont assis et ils se sont mentionnés leurs ancêtres, leurs origines entre eux, et ils ont mentionné ton exemple comme l'exemple d'un arbre, un palmier qui est bon en lui-même mais dont l'origine, hein, n'est pas très bonne. Hein, donc ils ont voulu essayer de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a créé la création et il m'a mis dans la meilleure des deux groupes, dans le meilleur des deux groupes. Puis ensuite il a créé les tribus et il m'a mis dans la meilleure tribu. Puis il a choisi les meilleures maisons de cette tribu et il m'a mis dans la meilleure maison parmi ces tribus-là. Et il dit, je suis donc le meilleur d'entre eux en tant que personne et le meilleur en tant que famille, hein, de maison. Et At-Tirmidhi a donc rapporté ce hadith qui est Hassan. Selon Abdullah ibn al-Harith, il dit c'est Ibn Nawfal. Et ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il explique le hadith en disant Na'am Quraysh, هي القبيلة المعروفة وهي تاج العرب وأشرف العرب ولكنهم ينقسمون إلى بطون وبيوت وبينهم شيء من الحزازات والعصبيات من بقايا الجاهلية لعصبية بينهم وكانوا يتنافسون في مكة على الرئاسة بين بني مخزوم وبني هاشم إلى آخره وهذا ناشئ من هذا التفاخر فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما بلغه ذلك من إنكار فضل بني هاشم وتميز بني هاشم على بطون قريش وأنكر هذا أشد الإنكار وبين صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم لهم فضل وأنه ليس تفضيلهم من أجل أنه بعث بينهم بل لهم فضل في أنفسهم فهم أفضل بطون قريش ولذلك اختار الله نبيه منهم والله لا يختار إلا من هو خير وهو أحسن وما هو أحسن وهو أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. Donc le cheikh il explique ici que oui, la tribu de Quraysh est connue et c'est la couronne des Arabes et la plus noble des Arabes, et il dit toutefois ils sont divisés en différentes familles, différentes maisons. Et entre eux, il y a des disputes, des compétitions. Chaque maison, chaque tribu veut, chaque famille veut être, hein, veut déclarer qu'elle est meilleure que l'autre. Et ils se disputent toujours la tête, hein, de Quraysh. Qui va être à la tête de Quraysh? Donc, Bani Makhzoum, Bani Hashim, ils veulent toujours essayer de dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Et c'est de là que vient cette parole de Quraysh lorsqu'ils ont voulu dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'ils sont meilleurs que Bani Hashim. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu leur dénigrement, hein, il a été en colère de ça et il a mentionné qu'il n'était pas content que ces gens-là essayaient de dénigrer la valeur ou l'excellence de la famille de Hashim, Bani Hashim. Et il dit que ils essayaient de distinguer Bani Hashim des autres familles de Quraysh. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc condamné ce genre de propos de façon très sévère, et en même temps il a clarifié que Bani Hashim, ils ont un grand mérite et une excellence, et que leur excellence c'est pas uniquement du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé parmi eux, mais plutôt qu'ils sont bons en eux-mêmes. Et que cette excellence qu'ils ont, hein, c'est pour dire que ce sont eux qui sont les meilleurs de la tribu de Quraysh. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, hein, que son prophète soit d'eux, justement parce qu'ils sont les meilleurs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne choisit que ceux qui sont meilleurs pour être les prophètes. Et donc, lui, il faisait donc partie des meilleurs, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux où placer son message, hein. Et il dit ensuite فَالْعَرَبُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ ثُمَّ بَنُوا كِنَانَ ثُمَّ قُرَيْشِ ثُمَّ بَنُوا هَاشِمْ فَيَكُونُ بَنُوا هَاشِمْ لَهُمْ فَضَائِلٍ اجْتَمَعَتْ فِي حَقِّهِمْ وَهَذِهِ الْأُمُورِ وَعَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَنَّهُمْ عَرَبُ وَأَنَّهُمْ مِنْ بَنِي كِنَانَ وأنهم من قريش وأنهم من بني هاشم وأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يجحد فضل هذا البيت العظيم أو فمن يجحد فضل هذا البيت العظيم هذا البيت الذي بعث منه هذا النبي الكريم فإنه ينكر عليه لأن في هذا غمطا بالباطل فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك لا من باب العصبية وإنما من باب كونه حقيقة وقوله هو المعنى أن النخلة الطيبة في نفسها أن النخلة طيبة في نفسها هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم خير الناس نفسا ونسبا لأنه من بني هاشم وبنو هاشم أفضل العرب على الإطلاق فهو أفضلهم في نفسه وأفضلهم في نسبه. Donc le cheikh il dit que les Arabes, certains sont, oui c'est ça. Donc il dit les meilleurs, les Arabes sont meilleurs que les autres. Et il dit parmi les Arabes, la meilleure tribu c'était la tribu de Kinana. Et parmi eux, la meilleure tribu c'était la tribu de Quraysh. Et parmi la tribu de Quraysh, la meilleure famille c'était la famille de Hashim. Et donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de Banu Hashim. Hein, il dit donc leurs mérites sont réunis chez eux. Du fait qu'ils sont des Arabes, qu'ils sont de Kinana, qu'ils sont de Quraysh, qu'ils sont de Hashim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des leurs. Hein, il fait partie d'eux. Donc il dit, donc quiconque renie le mérite de cette maison, la maison de Bani Hashim, alors yani, il dit c'est comme s'il reniait le bien de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce genre de négation, ce genre de rejet de cette réalité, c'est comme si quelqu'un il rejetait par arrogance la vérité, hein, il rejette par arrogance une réalité et qu'il refuse de l'accepter. Et le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc condamné leurs propos, non pas par fanatisme ou par tribalisme ou par amour pour sa famille, non, mais parce que c'est une réalité, hein. Et à propos de qu'est-ce qui est dit à la fin, qu'est-ce que Ibn Taymiyyah il mentionne par rapport à ce qu'ils ont dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était comme un palmier qui était bon en lui-même, mais dont l'origine n'était pas si bonne que ça. Et le cheikh, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ce sujet-là, non, qu'il était bon en lui-même et que son origine aussi était bonne parce qu'il est de Bani Hashim et Bani Hashim sont les meilleurs des Arabes. Hein? Donc il est en lui-même il est en lui-même bon et il est le meilleur et il est le meilleur dans son origine aussi. Ensuite le cheikh il dit wa rawat tirmidhi aydan min hadith al-thawri an yazid ibn abi ziyad an abdullah ibn al-harith an al-muttalib ibn abi wada'a قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. ثم قال إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال الترمذي هذا حديث حسن كذا وجدته في الكتاب وصوبه فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. Donc il rapporte un autre hadith qui est rapporté par al-Tirmidhi. Il dit dedans que al-Abbas est venu voir le messager d'Allah et c'est comme si il avait entendu quelque chose. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il avait entendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé sur le minbar. Il est monté sur le minbar. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il a dit, qui suis-je? Ils ont dit, tu es le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, je suis Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Et ensuite il a dit, Allah a créé la création, puis il m'a mis dans les meilleurs d'entre eux. Puis il les a divisés en deux, hein, en deux groupes, et il m'a mis dans le meilleur des deux groupes. Puis il les a divisés en tribus, et il m'a mis dans la meilleure des tribus. Puis il les a divisés en maisons, et il m'a mis dans la meilleure de ces maisons. Hein, et la meilleure en personne, hein, la meilleure, il a fait de moi la meilleure personne. Et il dit, de même que il dit, je l'ai trouvé ainsi dans le livre, et il dit, qu'est-ce qui est correct? C'est, je suis le meilleur dans la maison et dans la en personne, en tant que personne. Et le cheikh il dit, وهذا يوضح ويؤكد ما سبق أن فضل بني هاشم ثابت لا ينكر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بنفسه فهو صلى الله عليه وسلم من قريش ومن بني هاشم فبنو هاشم هم أفضل قبيلة وهي قريش وأفضلهم وطنا وبيتا وهم بنو هاشم فبنو هاشم هم أفضل العرب فهذا فيه بيان لما جحده هؤلاء وفيه أن العالم يبين ما يجب بيانه للناس إذا جهلوه أو أنكروه فإن على العالم أن يبين وقد بين صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لما تجاهلوا قدر بني هاشم قال صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي بهذا الجواب لأنه ليس هو المقصود من السؤال ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم يبين أنه أن صلى الله يبين صلى الله عليه وسلم نسبه وهذا هو المقصود بالسؤال وهم لم يجيبوا بهذا بل قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول بين ما أخفوه وجحدوه وبين أن سلالته صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة خالصة. Donc le cheikh il explique que ça c'est pour clarifier et confirmer ce qui a été dit dans le hadith précédent, que le mérite de Bani Hashim est établi et que il n'est pas renié. On ne doit pas le renier et que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a été préféré en lui-même, hein, parce que il est de Quraysh. Et il est de Bani Hashim. Et Bani Hashim sont les meilleurs, c'est les meilleurs parmi les tribus arabes. Et elle fait partie elle-même de Quraysh. Et elle est meilleure en tant que maison et en tant que famille. Donc ce sont Bani Hashim. Bani Hashim sont les meilleurs des Arabes. Et c'est ça qu'il voulait renier, ces gens-là. Donc il est obligatoire pour le savant de clarifier ce que les gens ont besoin de connaître et ce qu'ils ignorent, hein, ou ce qu'ils renient. Donc le savant dans la religion, il doit clarifier pour les gens ce qu'ils ont nié ou ignoré. Et lorsque les gens, dans ce hadith, ils avaient ignoré ou négligé la valeur de Bani Hashim, eh bien le prophète Sam l'a confirmé en disant « Qui suis-je ?» Ils ont dit « Tu es le messager d'Allah ». Il ne s'est pas limité uniquement à cette réponse-là. Il dit pourquoi? Parce que c'était pas ça l'objectif et le but. C'était pas de savoir est-ce qu'il est le messager d'Allah, mais plutôt c'était de répondre à la question par rapport au mérite de la famille de Bani Hashim, hein, la famille de Hashim. Et donc, le prophète il a clarifié en disant, je suis Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et il a expliqué donc son origine. Et il a clarifié qu'est-ce qui était voulu par la question. Parce que eux n'avaient pas répondu par rapport à ça, ils ont dit, tu es le messager d'Allah. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a donc clarifié ce qu'il cachait et ce qu'il reniait. Et il a expliqué que son origine, hein, était bonne, était pure. Ensuite, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite une autre narration de ce hadith-là, et en fait, il en cite encore beaucoup d'autres, toutes reliées à la même question, à peu près 6 ou 7, même plus même. Donc tous ces hadiths-là qui vont suivre sont toutes reliées, toutes ces narrations sont reliées à ce sujet-là. Donc on a encore plusieurs pages à lire par rapport à ce sujet. Donc j'ai écrit وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب ابن أبي وداعة قال العباس رضي الله عنه بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقهم وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وهذا donc ça c'est le hadith, c'est presque la même chose que l'autre. Hein, donc pas besoin de le traduire. Et le cheikh il explique, cheikh al-Fawzan, il dit وَهَذَا يُقَرِّرُ مَا سَبَقْ فَلَا شَكَّ أَنَّ بَنِي آدَمْ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ قَالَ تَعَلَى لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا وَخَيْرُ بَنِي آدَمْ مِنْ حَيْثُ النَّسَبِ وَمِنْ حَيْثُ الشَّرَفِ العرب وخير العرب قريش وخير قريش بنو هاشم وخير بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا ترجع الأمور إلى أصلها ولا يتناسى شيء من ذلك لعصبية أو لجهل. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et il n'y a pas de doute que Adam, c'est la meilleure des créations. Adam, c'est la meilleure des créations. Il cite le verset 70 dans Surat al-Isra. Donc, on va lire l'explication de ce verset-là. Oui, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, et nous les avons transportés sur terre et sur mer, et nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Donc, les fils d'Adam ont été honorés. Et puis il dit, et les meilleurs d'entre les fils d'Adam, sur le plan de la généalogie ou de l'origine, sont, sur le plan de l'honneur aussi, de la noblesse, c'est les Arabes. Et il dit, et les meilleurs d'entre les Arabes, c'est la tribu de Quraysh. Et les meilleurs d'entre les tribus, parmi les familles, la famille de Quraysh, hein, c'est la famille de Hashim. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de cette famille-là. Et donc, c'est ainsi qu'on ramène les choses à leur origine. Et donc, il ne faut pas oublier, hein, ou faire semblant d'oublier à cause de du tribalisme ou du fanatisme. D'ignorer ce genre de réalité là. Après il dit wa akhbara sallallahu alayhi wa sallam annahu man qasama al khalq firqatayn illa kana huwa fi khayr al fariqayn. Wa kadhalika jaa hadith bi hadha al lafz wa qawluhu fi al hadith khalaqa al khalq fa ja'alani fi khayrihim thumma khayyarahum firqatayn fa ja'alani fi khayr firqatin yahtamilu shay'ain. أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق في الأرض وبنو آدم خيرهم وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة وله وجه صحيح. الشيخ يقول le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que il n'a pas divisé entre deux groupes, hein, il n'a pas divisé deux groupes dans la création, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le meilleur des deux groupes. Et il dit que c'est ce qui a été mentionné dans le hadith, dans ce terme-là. Allah a créé la création et il m'a mis dans le meilleur d'entre les créations, dans la meilleure d'entre les créations. Puis il a divisé cette création en deux encore, et il m'a mis dans la meilleure des deux. Et il dit ça comprend, ça peut impliquer deux choses. Ça peut impliquer premièrement qu'il parle des deux mondes, c'est-à-dire les djinns et les êtres humains, et donc il a créé la création, et donc ça comprend les djinns et les hommes, et il l'a mis dans le meilleur des deux groupes, c'est-à-dire le groupe des êtres humains. Par opposition au groupe des djinns. Et il dit que les fils d'Adam sont les meilleurs par rapport aux djinns. Et il dit que ça peut également, si on le prend dans le sens plus général, par rapport à la création, on peut même inclure dans ça les anges. Et donc il dit ça, ce serait une preuve pour montrer la préférence ou l'excellence de l'espèce humaine par rapport aux anges. Et donc ça, c'est un point de vue qui est valable. Et le cheikh, il dit, cheikh al-Fawzan, par rapport à ça, il dit « هذا فيه أيضا أن بني آدم هم خير المخلوقات وربما يدخل في هذا الملائكة عليهم السلام فيكون الصالح من بني آدم أفضل من الملائكة وهذا فيه خلاف بين العلماء أيهم أفضل جنس الملائكة أو جنس بني آدم الله أعلم بذلك ولكن هذا يدل على أن بني آدم هم خير الخليقة لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ثم خير بني آدم العرب يعني جنس العرب وتزداد الفضيلة في قريش وثم في بني آشم. Donc le cheikh dit, ça c'est également une clarification sur le fait que Adam, les fils d'Adam sont les meilleures créatures, et même qu'on peut inclure les anges dans ça, et donc par conséquent le meilleur des hommes, les hommes les plus pieux, ou les plus pieux, le plus pieux parmi les fils d'Adam serait meilleur que les anges. Il y a une divergence à ce sujet entre les ulama, qui est meilleur, est-ce que c'est les anges ou les fils d'Adam qui sont meilleurs, et Allah sait mieux cette question là dit, mais toutefois il y a une preuve dans ce hadith que les fils d'Adam sont les meilleures créatures, et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet là dans le verset 70 dans sourate al-Isra qu'il a certes honoré les fils d'Adam. Puis ensuite il a préféré donc les fils d'Adam, parmi les fils d'Adam il a préféré les Arabes, et parmi les Arabes il a préféré Quraysh, et parmi Quraysh la famille de Hashim. Il dit ثم إن بني آدم على احتمال في تفسير هذا الحديث هم أفضل الخلق ويشهد لذلك قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وقوله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فالله فضل هذا الإنسان في خلقته وعقله ودينه وسائر صفاته على سائر المخلوقات وميزه وسخر له كل شيء مما يدل على فضل هذا الإنسان على أن الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ثم إنه بعد هذا اختار العرب من جنس الإنسان واختار من العرب بني كنانة واختار من بني كنانة قريشا واختار من قريش بني هاشم واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار قال كما قال صلى الله عليه وسلم وفي هذا إظهار لشرف بني هاشم على غيرهم لكن هذا لمن آمن بالله ورسوله منهم أما من لم يؤمن بالله ورسوله فليس له هذا الفضل ولا هذا المدح بل هو من أرذل الناس ولهذا لم ينفع أبا لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عبد المطلب لم ينفعه نسبه لما كفر بالله ورسوله ولم ينفع أبا جهل كونه من بني مخزوم وهم من أشرف بطون قريش لم ينفعه ذلك الشرف لأنه لم يؤمن بالله ورسوله. Donc le cheikh explique que par rapport à la signification qu'on a mentionnée ou la possibilité de l'explication de ce hadith pour dire que les fils d'Adam sont les meilleurs des créations, et il y a des témoins de ça dans différents versets dans le Coran, comme le verset 70 qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a honoré les fils d'Adam, et aussi le verset 4 dans Sourate At-Tin, et le verset 6 et 7 dans Sourate Al-Infitar, qu'on a mentionné tout à l'heure. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré donc l'être humain dans sa création, dans sa raison, dans sa religion et dans toutes ses autres caractéristiques et ses attributs sur toutes les autres créatures, et il les a distingués et il a assujetti pour eux toutes choses, ce qui indique leur mérite et leur excellence, hein. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre pour l'être humain, hein. Subhanallah, c'est vrai. Tu vois les animaux, tu vois le ciel, les étoiles, le soleil et la lune, tout ça, il l'a assujetti pour l'être humain, hein. Les koufars, des fois, ils disent non, l'être humain, il est juste une poussière dans l'univers, dans le sens que il est insignifiant. Et tout ce qui est organisé sur la terre, tout ce qui existe dans le ciel ou dans la terre ou sur la terre, c'était pas pour l'homme que c'était créé. Plutôt, c'est juste l'être humain, il fait juste partie de ça. C'est comme si il y a pas de sagesse derrière ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis sur la terre, et on voit que la lune, hein, elle nous éclaire la nuit, le soleil nous éclaire le jour. Il y a la nuit, il y a le jour pour qu'on, la nuit pour qu'on puisse se reposer, le jour pour qu'on puisse travailler. Les étoiles qui sont placées là pour embellir le ciel et pour nous guider la nuit lorsqu'on voyage. Les arbres et les plantes, et comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la terre soit, on peut la cultiver, on peut la faire produire toutes sortes de fruits et toutes sortes de légumes. On peut utiliser les animaux, les bétails qui sont dociles à nous, hein, qui se laissent, je sais pas le terme comment on pourrait dire, mais les animaux les bétails d'animaux, de vaches, des moutons. Hein, les animaux domestiques et les bêtes domestiques qu'on utilise pour leur viande, pour leur lait, pour leur peau, pour toutes sortes de bienfaits, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour nous. Hein? Donc c'est pas juste un truc qui s'est produit comme ça, un Big Bang, et tout est arrivé par hasard, et comme par hasard c'est arrivé comme ça. Non, il y a une sagesse divine derrière ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a assujetti la terre et le ciel et tout ce qui existe dedans pour l'être humain. Et c'est de la manière dont il a honoré, hein, les fils d'Adam pour ça. Donc le cheikh il le mentionne, et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans plusieurs versets dans le Coran, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Il a assujetti pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, tout ça pour vous, tout ça, ça vient de lui, hein, jami'an minhu, tout ça, ça vient de lui, c'est lui qui l'a créé pour vous. Puis ensuite, il a choisi les Arabes parmi les êtres humains. Et ensuite, parmi les Arabes, il a choisi Bani Kinana, hein, parmi les tribus arabes. Ensuite, parmi la tribu de Kinana, il a choisi la tribu de Quraysh. Et parmi la tribu de Quraysh, il a choisi la maison de Hashim. Et parmi la famille de Hashim, il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est lui le meilleur du meilleur du meilleur, c'est la crème de la crème de la crème, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est tout ça, c'est pour montrer l'honneur et la noblesse de Bani Hashim sur les autres familles de Quraysh. Il dit, mais ça c'est uniquement pour ceux d'entre eux qui ont cru en Allah et en son messager, parce que ceux d'entre eux qui n'ont pas cru en Allah et en son messager, ils n'ont pas ce mérite, ils n'ont pas cette excellence là ils n'ont pas cette glorification-là. Hein? Même qu'ils sont, au contraire, les plus vils des hommes. Hein? Et Abu Lahab, le fait qu'il soit de Bani Hashim ou de Quraysh, ça ne lui a donné aucun, hein, bienfait. Et ça ne l'a pas profité. De même le fait qu'il soit l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui sert à rien. De même que Ibn al-Muttalib, non plus, ça ne lui sert à rien. Et ça ne lui profite en rien. Hein? Étant donné qu'il a mécru en Allah et en son messager, ça ne lui profite en rien. De même que Abu Jahl, le fait qu'il soit de Bani Makhzoum, une des tribus nobles parmi les tribus arabes, hein, parmi les plus nobles des tribus de Quraysh ou des familles de Quraysh, ça ne lui a rien servi. hein, sa noblesse ne lui a rien servi du moment qu'il n'a pas cru en Allah et en son messager. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera au prochain cours la suite de cette explication, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته